Je me dois de l'aide car ce serait trahir mon place si j'ai tapiré le contraire. Toujours le dernier mot, toujours la dernière lettre. Quand t'en veux, ça peut être les fils de mon paramètre. La sauvagerie fait partie de mon caractère. On surnomme sa haine quand je passe à mon missionnaire. Une kalachnikov en guise de microphone écrase les microbes. Je suis contre ceux qui se pomponnent tous les deux jours. Renforcement musculaire, au moins je sais que ma patate t'a fait faire un pont en arrière. L'élément déclencheur de mon échec scolaire fut la rébellion. Je te rassure, pour être en bon, pas besoin d'une barre de lion. Je défends mes opinions comme un tigre. Les faux arguments, c'est comme un diable que j'évite. Traverser des vitres à cornus, y'a pas d'autre solution. C'est avec de l'encre qu'on désinfecte toute infection. D'écolier, les cahiers préfèrent être calés. La cahier, la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Chacune de mes rimes sur un bout de verre. Je vois chaque descente comme un pas en avant. Plus je pense au passé, plus j'ai hâte de voir ce qui m'attend. L'avenir de l'être humain pour moi est classé sans suite. Moi et la réussite, c'est un peu comme une course poursuite. Et quand l'inspire reprend le dessus, je me sens aussi libre que dans la nature. Saphir présente du début jusqu'à la fin. Je débite des tonnes et je donne pour assouvir ma faim. C'est simple d'avancer avec la rage au ventre et surminer l'âme avec une science en conscience. Constant dans mes discours et mes valeurs, un rap scalpel qui écorche les cœurs.